Epia solo mamaga mwana mwasi akolina likoko na dimi aiba na solo na mekakina tuna motema na ye miseteli ege lokola zindeli kambo hakangi motema wapi mwaye asali etuta memwara juge kaka tolingana na yege Yebangana lingi yo, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, yebamide, c'est la yabanda, et comme linga likambo. Maman, maman, c'est pas possible. Ni tout mamou, yoga likambo. Pia solo mamara mwana mwasi akolina likoko na dimi aiba na solo na mikakina tuna motema na ye miseteli ege lokola zindeli kambo akangi motema wapi mwaye asali etuta memwara juge kaka tolingana na yege Yebangana lingi yo, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, yebamide, c'est la yabanda, et comme linga likambo. Motema yege, motema ngana kole langa. Mabanzo yabete, comme linga likambo, yabigila ekingaka. Silissima tongena kuluka c'est la vérité rien que la vérité maman dans la vie na pesi confiance na bolingo ko yokomede c'est la vérité rien que la vérité na bambeli ante gegege na koimba na kobina na kotala c'est un guidon pour imagine et maman bolingo motembaï Remote vanga na kulelaga Mabanzo ya mete Komi ninga dikamboku Nyambiri la ekiraga C'est la vérité Rekre la vérité Ochikudie Dima yanga bosembo mama Iye ye ye Mona moto Iye baka o mama Gogo zambi Gai mobali na bala Pena bota na kumi kolanda Osima boye C'est la vérité, rien que la vérité n'a pas sa nabane, n'a pas yo. N'a pas si confiance, n'a pas l'ingoko yo gomete. C'est la vérité, rien que la vérité, n'a pas l'ingoko yo gomete. N'a pas l'ala, n'a pas l'ota, n'a pas l'ela, c'est un guidon qu'on y a magie. Et maman, C'est la vérité, rien que la vérité, ou remettez vos limos. Oh, ah, ah.